mettre un doigt. Elle est faite comme si je n'existais plus. J'ai niqué mon RS3, mon cœur m'a piqué dès que je l'ai vue. Je voulais plonger dans ses yeux, dès que je l'ai eue, je ne la voulais plus. Je n'avais pas joué un jeu, je tournais un démat, je voulais tout niquer. J'avais la haine, je pleurais des larmes, le poteau derrière était paniqué. Tu fais pas peur que tu ranges ta lampe, je représente les poteaux de la thèse. Pour les bâtards les plus jaloux, ils ont peut-être mis un tracker sur ma gueule. Quand je l'ai vu, j'ai vu la lune. C'est un truc de malade. Elle m'a dit pour toi c'est dur. Oh ben ouais mon petit bonhomme. Moi je veux vivre la vie de luxe. Je reste pas si en attendant. Mais de moi celle c'est tu. J'suis bien avec mes frères, donc c'est plus. Mais de moi celle c'est tu. J'suis bien avec mes frères, donc c'est plus. Y'a trop de gens qui flûtent. Ma maman, elle aime la marque, elle vit le luxe. Mais là tu vois, y'en a marre, faut un vice de procédure. Car la vie c'est dur, loin de ces murs de cette cellule. Un jour ou l'autre ça s'essure, si elle a le boule qui faut. Comment faire avec toutes ces folles? Et oui c'est encore nous, qui fera bouger madame. Laissez parler, ils sont jaloux. Mais bouge leur tête comme des coques. Ils ont trop les crocs. Y'a même des civils dans le métro. Doré platine avec ghetto. Ils veulent nous